Bonjour à tous. Avant d'entamer ce nouvel épisode, où vous pourrez écouter une interview d'Olivier Bernard, plus connu sous le nom de Pharmachien à propos de son livre Le Pharmachien justement, je voulais en profiter pour prendre une action que certains de mes collègues podcasteurs ont réalisé ces derniers temps, en présentant un petit peu les podcasts que j'aime écouter et que je recommande, et même, je dirais, de manière plus large, quelques sites ou associations, on va dire ça comme ça, qui, selon moi, sont vraiment géniales et intéressantes à suivre. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du pharmachien, donc je ne peux que vous conseiller d'aller sur le blog d'Olivier Bernard. Je mettrai d'ailleurs sur le billet associé à l'épisode et puis dans les notes de l'épisode les URL de différents sites ou podcasts, etc., dont je vais parler. Donc, le pharmachien, c'est quelque chose que je vous conseille. Je vous conseille bien sûr de lire le livre. Il vaut vraiment le coup. Vous en apprendrez un peu plus dans la suite de l'épisode, mais en tout cas, c'est une vraie source d'information qui tient la route. Et c'est fait de manière drôle, humoristique, et quand même basé sur des faits. Donc, ça vaut vraiment le coup. Olivier fait un super taf, donc n'hésitez pas à vous jeter dessus. Une autre action qui est un peu différente, dont je fais partie, c'est Vendredi Lecture. Pour ceux qui ne connaissent pas, Vendredi Lecture, c'est quelque chose qui ressemble au Friday Reading. Grosso modo, tous les vendredis, sur les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter, venez partager vos lectures. L'idée, c'est de les faire connaître. C'est de pouvoir parler de livres, grand succès de librairie, domaine spécifique. J'aurais tendance, bien sûr, à plutôt parler personnellement de livres de science, mais il y a vraiment de tout. Vendredi Lecture, c'est une association aussi que vous pouvez soutenir. Il y a les clubs de lecture, il y a des livres à gagner, parce qu'il y a un certain nombre de partenariats avec des éditeurs, donc c'est vraiment très intéressant, et l'objectif, c'est vraiment de pousser l'activité de lecture chez le plus grand nombre. Donc je recommande, participez et venez suivre. On découvre vraiment plein de choses. Toujours dans l'univers de la lecture, j'aurais envie de vous parler de Bookshelf Podcast. Donc c'est un podcast plutôt récent, qui est comme celui de l'Isolation, science hébergé sur PodCloud. Plateforme sur laquelle, entre parenthèses, vous pouvez découvrir plein de podcasts vachement intéressants. Bookshelf Podcast, c'est un podcast finalement assez généraliste sur des livres, vraiment de tout type, et ça vaut le coup. C'est bien fait et vous pouvez y aller. Ça commence depuis il y a deux épisodes, je crois, mais en tout cas c'est très intéressant. Autre chose, alors là on parle plutôt d'une chaîne YouTube, c'est le Sense of Wonder de Sébastien Carassou. Sébastien est un mec super génial. J'ai eu l'occasion de pouvoir échanger avec lui sur le livre de Bill Bryson, une histoire de tout presque, et il fait vraiment du super taf. Il se défonce pour la vulgarisation. Ses vidéos sont vraiment de très bonne qualité. Quand je me rends compte déjà du travail que je fais sur de l'audio, je m'imagine à peine ce que ça doit être sur de la vidéo. Donc, comme c'est de bonne qualité, n'hésitez pas à vous jeter dessus aussi. Il est très actif et c'est vraiment quelqu'un qui vaut le coup. Ensuite, des gens que je ne peux pas ne pas citer, Podcast Science. Tous les auditeurs de Lisa Science connaissent sûrement Podcast Science, mais au cas où, ça vaut le coup d'en parler. Un podcast lancé il y a quelques temps déjà, quelques années, je dirais même, notamment par Alan Van Lanten, et qui aujourd'hui est mené de main de maître par Nicolas Tupé-Gabet et une super équipe solide, avec plein de connaissances, et capable toutes les semaines de vous abreuver d'informations scientifiques et pertinentes sur des sujets aussi variés que les mathématiques, l'informatique, la biologie, la génétique, soit avec leurs compétences propres, soit avec des super invités. Dernièrement sur la science du charisme par exemple, ou d'autres en astrophysique. Donc vraiment, C'est génial. C'est eux qui m'ont aussi donné envie de me lancer. Donc, je ne les remercierai jamais assez pour m'avoir envie de donner envie de faire ce que je fais aujourd'hui. En tout cas, si vous avez envie d'écouter quelque chose bien fait, à la cool et en même temps scientifiquement valable, vous pouvez vous jeter sur Podcast Science. Autre podcast que j'aime beaucoup et qui a aussi été à concurrence de Podcast Science une de mes sources d'inspiration, c'est celui de Jean-Michel Abrassard, Scepticisme scientifique. Alors, Scepticisme scientifique a fêté ses 6 ans très récemment et donc ses 300e épisode. Plein de sujets liés au domaine du scepticisme, le paranormal, la thèse mythiste, les ovnis, les biais statistiques, vraiment c'est extrêmement varié. Jean-Michel a aussi su s'entourer d'une équipe très réactive et qui fait que le podcast détonne. Donc c'est vraiment de grande qualité. J'ai aussi eu la chance de faire quelques épisodes avec Jean-Michel et peut-être, et en plus il y en aura bientôt un qui va passer où j'ai parlé d'un livre avec lui. Donc c'est vraiment vraiment top. Jetez-vous y dessus, mangez-en, faites ce que vous voulez, mais il faut écouter Scepticisme scientifique. Un autre podcast que j'aime beaucoup, c'est Anthropodcast. C'est tenu par Laure et Jonathan. C'est vraiment bien. Moi j'ai découvert l'anthropologie grâce à eux. Je ne savais pas trop ce que c'était et j'ai appris vraiment plein de choses. C'est ouais. Il parle de bouquins, il parle de l'anthropologie et de tout ce que ça peut avoir de lien avec notamment ce que faisait Jonathan à travers son autre podcast, Voyagecast. Ça vaut le coup, c'est très bien fait. Il y a aussi une chaîne YouTube, donc si vous avez envie de vidéos, vous pouvez aussi en avoir. Jetez-vous dessus, allez-y, ça vaut vraiment le coup. Et peut-être quelque chose de plus large, ce serait le Café des Sciences. Le Café des Sciences a cette qualité que je crois ne pas connaître autre part, c'est que le Café des Sciences regroupe des gens qui font des blogs, de l'audio, du podcast, comme Podcast Science, entre podcast ou Lisez la Science, de la vidéo à travers Vidéo Science, de la bande dessinée à travers Strip Science, et tout ça sur des sujets extrêmement variés. Si vous vous intéressez à des sujets scientifiques, au scepticisme scientifique, à l'entomologie, à l'astronomie, pardon, et bien d'autres. Vous trouverez tout ça sur le café. C'est vraiment une ressource géniale. On va avoir des gens comme Pierre Kerner avec Strange Stuff and Funky Things dessus, qui font des trucs vraiment vraiment top sur ces domaines, la génétique notamment. Ça se passe là-haut d'Éric Simon. Pourquoi le ciel est bleu de Monsieur Pourquoi. Enfin, vraiment beaucoup de choses géniales. Si vous avez des questions à vous poser, que ce soit la science ou même, comme par exemple ce que fait la menace terroriste, sur le scepticisme, c'est l'endroit où vous vous trouverez ce que vous voulez. J'en oublie sûrement certains et je m'en excuse, mais en tout cas, ça fait partie des références pour moi et je pense que si vous ne les connaissez pas, ça vaut vraiment le coup d'aller jeter un coup d'œil. Je ne vous embête pas plus longtemps et je vous laisse profiter de l'interview que j'ai eu la chance de réaliser avec Olivier Bernard. À bientôt. Bonjour à tous, bienvenue sur Lisez la Science. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Olivier Bernard, l'auteur du livre Le Pharmachien aux éditions Keynes en Europe, et puis aussi, bien sûr, du site web Le Pharmachien. Bonjour Olivier. Bonjour. Pour commencer, je pense que ça peut être intéressant que tu puisses te présenter aux auditeurs. À mon avis, la plupart te connaissent, mais c'est toujours bon pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Ben oui, donc je suis l'auteur du site web Le Pharmachien et aussi du livre du même nom. Je suis vraiment pharmacien, donc je suis pharmacien au Québec, à Montréal. Je pratique depuis une dizaine d'années maintenant. D'accord. Comment est-ce que tu en es arrivé à écrire le pharmacien, enfin à créer ce site et puis à écrire finalement ce livre? Ben, le site, à l'origine, je l'ai créé en septembre 2012, puis il est vraiment né de ma frustration au quotidien, dans mon travail de pharmacien, mais aussi dans ma vie tous les jours, à rencontrer toutes sortes de fausses idées par rapport à la santé et à la science. On en entend en masse, là, dans tous les sujets, mais en santé, il y en a beaucoup. Et puis moi, je me suis dit, comment je peux être plus efficace? Comment je peux combattre ces mythes-là au quotidien, mais sans le faire une personne à la fois? Comment est-ce que je peux le faire à plus grande échelle? Donc, c'est comme ça que le site est né, puis le livre a été une continuation du site web où j'ai voulu essayer de rejoindre un autre public. D'accord. Donc, enfin, tout ça, finalement, c'est un peu dans le cadre d'une culture scientifique. Qu'est-ce qui t'a fait aller vers la science, finalement? Ben, en fait, quand j'étais jeune, je crois que j'étais probablement un esprit assez sceptique à la base. Je me souviens avoir contredit, entre autres, mes professeurs, quand j'avais peut-être 7-8 ans, à savoir comment c'était possible que le monde se soit créé en 7 jours s'il y a eu des dinosaures qui n'étaient pas mentionnés nulle part. Donc, puis ça a toujours été comme ça, donc je crois que j'ai toujours eu un attrait vers la pensée critique. Puis pour moi, la science, c'est ça avant tout, c'est une démarche, une façon de réfléchir, une façon de travailler. Donc je crois que c'est ça qui m'a amené naturellement vers la science. Puis la santé étant une des nombreuses applications de la science. Juste avant de parler du livre, peut-être est-ce que tu peux dire aux auditeurs où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet, ton site, compte Facebook, Twitter ou ta pharmacie pour ceux qui auraient besoin d'acheter des médicaments? Oui, ben mon site web c'est Le Pharmachien, donc c'est comme pharmacien mais avec un H, donc lepharmachien.com. Sur Twitter c'est la même chose, Le Pharmachien. Facebook, même chose. Puis ma pharmacie, j'en ai pas. En fait, moi, je suis un pharmacien itinérant ou remplaçant. Donc, je me promène dans différentes pharmacies au Québec. Je fais cette forme de pratique-là depuis 2 ans pour avoir plus de flexibilité dans mon horaire et puis être capable d'écrire un livre parce que ça demande beaucoup de temps. D'accord. Alors, tu parles du livre. Quel est le public que tu as cherché à viser, des scientifiques, des non-scientifiques, des gens qui seraient amateurs de médecine alternative ou les visiteurs de ton site finalement, qui pourraient retrouver comme ça un contenu proche ou en version papier? Ben, le public que je veux viser, donc que j'ai dans ma tête quand j'écris, c'est vraiment le grand public, donc des non-scientifiques, des gens qui ont peut-être un peu d'intérêt pour la santé, mais peut-être même pas tant que ça. Mon but, c'est vraiment de rendre le sujet de la santé intéressant, de le rendre sexy, de faire que les gens, ça les intéresse parce que, évidemment, mon contenu, c'est majoritairement illustré, c'est très drôle aussi, c'est irrévérencieux, un humour très, très sarcastique, ironique. Donc, vraiment, c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué de voir chez un professionnel de la santé. Donc, ça, c'est mon public cible, mais je me rends compte ici au Québec que toutes les autres personnes que tu as mentionnées me lisent quand même. Donc, les professionnels de la santé, les scientifiques aiment beaucoup ce que je fais en général. Les amateurs, disons que les amateurs de médecine alternative, peut-être qu'ils ont un peu plus de difficultés avec moi. Je pense qu'ils me lisent uniquement pour trouver des arguments pour me contredire. D'accord. Et en lisant le livre, je me suis posé comme question, est-ce que en fait ce livre est un complément aussi à ce que tu as sur ton site? Ou est-ce que tu as repris un certain nombre de contenus, tu les as agrémentés d'autres dessins peut-être, ou de plus de textes? Non, c'est vraiment un complément. Il y a 3 bandes dessinées que j'ai remis dans le livre parce que je croyais qu'elles étaient vraiment importantes, celle sur les toxines, celle sur les vaccins et la dépression. Mais tout le reste du livre, là, donc vraiment la grande majorité du livre, c'est vraiment du nouveau contenu. Parce que je serais pas capable d'écrire un livre qui est constitué de contenu qu'on peut retrouver gratuitement sur le web. Je trouve qu'il n'y aurait pas de valeur ajoutée à ça. Et pour toi, c'est quelque chose qui est plus intéressant parce que ça permet d'être en transporté à l'extérieur. Enfin, comment tu vois l'aspect vraiment livre papier par rapport au site en fait, en termes de support, je veux dire. Mais pour moi, c'est vraiment la même chose dans le sens où j'écris pour le livre exactement de la même façon que j'écris pour le site web. La différence, peut-être, c'est que dans un livre, il faut que tu organises tes idées d'une part sous forme de chapitres, puis deuxièmement aussi d'essayer d'avoir un fil conducteur à travers le livre. Donc, pour moi, c'est un peu comme un défi que je me suis fixé. Je me suis dit, comment est-ce que je peux prendre mes idées qui sont un peu éparpillées puis les mettre sous forme de chapitres très, très cohérents, très concis, puis ensuite de faire en sorte que je peux avoir 12, 15 chapitres qui, finalement, il y a quelque chose qui se dégage là-dedans. Donc, ça aurait pu être des bandes dessinées que j'aurais publiées sur le web, mais je les ai réfléchies juste un peu différemment. Pour que ça se lise mieux, vraiment comme un défi personnel. Moi, je le vois vraiment comme ça. Et justement, c'est une entreprise assez titanesque, entre guillemets, l'écriture d'un livre. Comment ça s'est Oui. monté pour toi ce projet de création de livre, je dirais de la genèse de l'idée à la recherche d'un éditeur aussi. Enfin, ça doit être quelque chose d'assez complexe quand même. Puis l'interaction sur le contenu, sa relecture, etc. Ouais, ça a été pas évident au début parce que j'avais aucune idée de comment fonctionnait le monde de l'édition non plus, comment est-ce qu'on crée un livre, je savais pas exactement comment faire ça. Mais en fait, moi, j'avais l'idée depuis un bon bout de temps de peut-être faire un livre. Ça faisait peut-être un an que je me disais bon, mais ça me semble que le genre de contenu que je fais, ça se prêterait bien à un livre vu que c'est illustré, c'est drôle. Donc, je voulais faire ça depuis longtemps, mais j'ai pas fait de démarche pour approcher des éditeurs. Je me suis dit, un jour, il y a un éditeur qui va me contacter, puis je verrai qu'est-ce que ça donne. Puis finalement, il y en a plusieurs qui m'ont contacté. Puis ça cliquait pas vraiment avec personne. Il n'y a pas personne avec qui il y avait des atomes crochus. Puis finalement, à travers des personnes que je connaissais, j'en ai rencontré un, puis là on s'est compris, puis j'ai senti tout de suite qu'il comprenait ce que je faisais. Il voulait aussi me laisser carte blanche. Pour moi, c'était vraiment important de pouvoir tout faire par moi-même. Je sais que c'est peut-être un peu capricieux de ma part, mais moi je voulais vraiment que écrire le livre, faire un PDF, puis à la fin envoyer un PDF, puis de leur dire voilà, c'est ça le livre, imprimez-le. Donc, moi, c'est ça que je veux faire. C'est sûr qu'eux, ils me suggèrent des corrections, ils me suggèrent des améliorations. Donc, on a des phases de correction qui peuvent être assez longues, correction linguistique. J'ai des réviseurs scientifiques aussi. Mais j'aime ça gérer toutes mes choses, corriger mes fautes moi-même, corriger plein de petits détails dans les dessins. Je suis très minutieux, même peut-être un peu exagéré sur les détails. D'accord, donc c'est bien parce que t'as une vraie liberté dans la forme que tu voulais y donner, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai fait affaire avec un petit éditeur parce qu'avec un gros éditeur, probablement que j'aurais pas pu faire ça. Il aurait fallu que je laisse à quelqu'un d'autre la mise en page, puis que je fasse des dessins à part, puis tout ça. Là, c'est vraiment mon style. Donc, les gens qui connaissent déjà mon site web, ben ils vont lire le livre, puis ils vont se dire, ok, je suis en terrain connu. Ah, on n'est pas Puis les perdu, ouais, c'est bien. non, c'est ça. Puis les gens qui connaissent pas mon site web, ben c'est juste une bonne façon de découvrir ce que je fais. D'accord. Alors pour parler un peu plus en détail du livre, tu commences quasiment, alors sans parler par la table des matières, mais par la carte du monde du pharmacien. Ouais. Donc moi qui ai lu un peu de fantasy, je me retrouvais dans des ouvrages de Tolkien ou de Goodkin ou autres. En tout cas, ça commence par l'humour, c'est bien, ça fait tout de suite sourire, quoi. C'est ça, ben moi aussi je lis beaucoup de fantasy en fait. Puis par exemple là, les plaines détoxifiées là, c'est basé évidemment là sur tu sais soit la tour de Saruman là, ce qui est la tour de la naturopathe puis tout ça. Donc c'est Non, non, c'est définitif. Moi, j'adore j'adore tout ce qui est médiéval, roman fantastique. Donc, j'ai voulu me faire plaisir en faisant quelque chose qui est uniquement humoristique, là, et puis en montrant différentes choses dans le monde de la naturopathie qui sont illustrées d'une façon, comme un peu d'époque. Et un peu après, t'as un avant-propos sur le fait que tu parles en québécois. Tu écris en Ouais. québécois. Enfin, ça te semblait obligatoire. Enfin, moi, je trouvais ça marrant. Enfin. Ben, c'est pas obligatoire, mais moi, je vous donne un exemple. Tu sais, quand je lis des choses qui ont été traduites de France, ça me fait mourir de rire. Comme par exemple, moi, je suis un très très gros fan de South Park, et puis je l'ai toujours écouté en français, traduit français de France. Puis c'est ça que je trouve drôle. Quand j'ai essayé de l'écouter en anglais plus tard, j'ai trouvé que c'était moins drôle. Tous les films de ma jeunesse aussi, c'est des films qui étaient traduits en France avec des expressions étranges que je comprenais même pas, puis c'est ça qui me faisait rire. Donc, je me dis c'est nécessairement la même chose dans les deux directions. Je me suis dit c'est probablement plus drôle si je garde le langage authentique, mais on a simplement mis un lexique à la fin pour que certains mots puissent être compréhensibles. Pour avoir vécu au Québec et à Montréal justement pendant quelques mois, c'est vrai que je me souviens de discussions assez ubuesques avec des collègues de bureau quand je leur disais que bon voilà, j'étais avec mon ami qu'on voulait avoir des gosses. Forcément, au Québec, il y a une autre compréhension du mot gosse, quoi. Oui, qu'on mentionnera pas en ondes, mais Voilà. moi c'est ça, c'est le genre d'expression qui me fait rire. Puis il y a des gens de l'Europe qui me disent que mes expressions québécoises les fait rire. Donc j'ai pensé que ça pourrait être mieux de les garder. Ah oui, enfin, ça, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et ensuite, tu nous parles du plan d'attaque. Donc, en fait, enfin, le contenu de ton livre, un peu la manière dont il va être découpé en trois parties. Est-ce que tu peux peut-être juste rapidement nous expliquer un peu ces trois parties avant qu'on en parle plus en détail? Ben certainement. La première partie, je l'ai intitulée « Ces gens qui veulent te jouer à l'intérieur du dedans ». Autrement dit, c'est les professionnels de la santé, les gens qui s'intéressent à tes organes, n'est-ce pas? Donc, cette première partie-là, j'explique vraiment c'est quoi le rôle du système de santé, c'est quoi le rôle des professionnels, comment faire la différence entre un professionnel qualifié ou un professionnel qui ne l'est pas, par exemple. C'est quoi les médicaments? Pourquoi on prend des médicaments? Pourquoi on prend des produits naturels? Est-ce que ça a une utilité? Est-ce que le fait qu'un médicament ou qu'un produit soit chimique ou naturel, est-ce que ça a une pertinence? Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, l'esprit, c'est fort, mais pas tant que ça. Ça, c'est la partie sur les pseudosciences. C'est la partie où je me suis fait vraiment plaisir. Donc, c'est toutes les fausses croyances en matière de santé que j'attaque de façon assez intense. Puis la troisième partie, je l'ai intitulée « Chapitre pour gagner le prix Nobel ». En fait, ce que je voulais faire, dans le fond, c'est des chapitres, c'est des idées sur la santé, mais un peu plus générales. Par exemple, j'ai un souper sur les soupers de famille, les discussions scientifiques, comment s'en sortir. J'ai un chapitre sur le stress. Donc, c'est des choses qui casaient pas vraiment ailleurs, mais que je trouvais intéressantes à être là dans le livre quand même. D'accord. Alors pour parler, on peut aborder la première partie. Oui. C'est une partie où tu commences par une mini chronologie entre guillemets de la médecine, alors toujours avec un certain humour, bien entendu. Et alors il y a beaucoup de charlatans. Oui. On ça donne. Mais il y a une question aussi enfin que je me suis posée un peu rétrospective, c'est est-ce que les gens ils étaient du côté obscur entre guillemets ou du côté lumineux de l'époque quoi? Est-ce que ils le faisaient pour être enfin, en tant que charlatan, ou est-ce qu'ils essayaient juste de le faire en pensant à bien, quoi? C'est une super bonne question, puis je crois qu'il y a eu un moment donné dans l'histoire de la science, il y a eu un moment assez charnière où on a développé la médecine basée sur les évidences, donc evidence-based medicine. Et puis à partir du moment où on a développé cette façon de réfléchir-là, où on se dit, ben nos recommandations en matière de santé doivent être basées sur des expériences scientifiques bien construite, reproduite à de multiples reprises, et puis on ne fera pas de recommandations si ça n'a pas été prouvé scientifiquement. Je pense qu'à partir de ce moment-là, on est capable de distinguer qu'est-ce qui est un charlatan puis qu'est-ce qui est un professionnel de la santé. Mais effectivement, comme par exemple, je donne l'exemple des chamans ou des gens qui faisaient des toniques miracles au 18e siècle, ou encore, par exemple, Hippocrate qui avait déjà l'idée de faire un trou dans la tête des gens pour comme faire sortir la pour faire diminuer la pression. À l'époque, c'était peut-être pas si évident que ça de savoir qui était un charlatan ou pas. Aujourd'hui, il suffit de se baser sur les preuves scientifiques. Puis c'est ça que j'essaie de dire aux gens, c'est que dans le livre, entre autres, c'est que t'sais, on peut pas dire n'importe quoi. Quand on fait des recommandations en matière de santé, c'est tellement sérieux que ça se doit d'être basé sur des preuves. Et justement, tu commences ensuite par présenter ces gens qui sont un peu du côté lumineux, un peu sous forme de perso de jeu, de role-playing game. C'est bien parce que c'est pas une vision, entre guillemets, comment dire, la bouche en cœur, quoi. C'est les gens, enfin, tu t'en donnes une vision qui est relativement objective. Ben oui, quand même. Puis tu sais, c'est un chapitre que j'ai écrit vraiment pour me faire plaisir. C'est un chapitre qui a aucune utilité autre que de un, rire, et deux aussi, être peut-être capable de faire la différence entre certains métiers. Parce qu'il y a il y a beaucoup de gens pour qui un ou une naturopathe, c'est un professionnel de la santé. C'est peut-être vrai dans certains pays, mais ici au Québec, ça l'est certainement pas. Même chose pour un homéopathe ou des conseillers holistiques. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est des gens qui ont des qualifications importantes. Encore une fois, peut-être que c'est le cas ailleurs dans le monde, mais en tout cas ici dans notre coin, ça l'est certainement pas. Puis je sais qu'en Europe, ça l'est pas vraiment non plus. Donc c'est vraiment un chapitre là, pour comme allumer l'esprit des gens. Ils vont rire, puis à la fin, ils vont faire comme coudon. OK, ben il y a quand même quelque chose à retenir là-dedans, qu'il y a des gens qui se basent sur la science, puis il y a des gens qui se basent plus sur autre chose. Puis c'est quoi le autre chose? Ben là, c'est ça qu'on discute plus tard. Parce que c'est vrai qu'en plus, après, tu essaies de fixer un peu les idées, enfin, en tout cas c'est comme ça que je l'ai pris, sur les mythes qui sont des mythes, quoi, et donc pas la réalité pour les professionnels de santé, notamment que bon, ils n'ont pas la science infuse, et puis bah, ils peuvent se tromper, etc., quoi. Oui, Et oui. qu'est-ce qui t'a poussé à commencer par ça, pour arriver à faire la différence avec ce qui vient Ouais. après, ou Ben oui, effectivement, parce que je pense que une des premières choses que les gens doivent, sur laquelle les gens doivent changer leur perception, c'est les attentes face au système de santé, face aux professionnels de la santé. Moi, quand des gens viennent me voir à la pharmacie, par exemple, et puis me disent, ben qu'est-ce que tu penses de l'homéopathie? Puis là, je leur explique mon idée, qui est évidemment que ça sert strictement à rien. Et puis là, ben, les gens sont comme sceptiques. Puis là, ils me disent, ben, qu'est-ce que je dois faire pour, à ce moment-là, pour mon problème de fatigue constante? Je dis, ben, avez-vous consulté un médecin? Oui. Puis le médecin n'a rien trouvé. Puis là, moi, j'ai rien à leur suggérer. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens perdent confiance. Ils se disent, ben, coudonc, les professionnels de la santé, ils n'ont rien à dire, ils trouvent pas mon problème, ils n'ont pas de suggestions à me faire, tandis que mon homéopathe ou ma naturopathe, elle, quand je lui ai dit que j'étais fatigué, elle m'a trouvé comme 10 000 choses différentes que je pourrais essayer. Donc, moi, j'ai voulu remettre les pendules à l'heure puis montrer aux gens que, regarde, il faut corriger nos attentes face aux professionnels de la santé. Faut pas penser que les professionnels de la santé ont toujours une solution, qu'ils vont toujours trouver un problème, qu'ils savent tout. Qu'on est aussi comme qu'on n'a pas d'émotion. Tu sais, c'est vraiment toutes des idées que les gens se font, mais malheureusement, je pense que d'une part, on est peut-être un peu coupable nous-mêmes parce qu'on n'explique pas bien notre métier, puis il y a aussi les autres qui travaillent du côté plus obscur, on va dire, qui eux nous servent pas en faisant des promesses irréalistes qui nous font ensuite paraître incompétents. Je sais qu'en France, il y avait eu, je sais plus combien, quelques mois, quelques années, un gros questionnement aussi sur la formation en fait post-études notamment des médecins et plus particulièrement des médecins généralistes, sur le fait que la seule source d'information qu'ils ont qui peut potentiellement être à jour, c'est les visiteurs médicaux, C'est et vrai. que rien que ça peut déjà faire que bah, le médecin, la seule chose qu'il a, c'est ce que enfin, les laboratoires pharmaceutiques lui donnent, quoi. C'est tellement vrai. Puis d'ailleurs, je donne un exemple. Moi, je dis souvent aux pharmaciens, mettez à jour vos connaissances sur les produits naturels. Puis là, les pharmaciens trouvent ça un peu bizarre parce qu'ils disent, mais pourtant, toi, t'es pas très pro-produits naturels. Puis je leur dis, oui, exact. Mais justement, quand les gens veulent poser des questions sur un produit naturel. Moi, je veux pas que les gens aillent voir dans une boutique de produits naturels avec une personne qui est pas qualifiée ou voir une naturopathe qui s'est levée un matin puis qui a écrit naturopathe à côté de son nom avec aucun diplôme. Moi, je veux que les gens viennent me voir moi. Donc, pour ça, faut que je connaisse mes choses. Donc, la formation continue, là, je pense que c'est notre responsabilité, effectivement. Puis, c'est pas nécessaire. On n'est pas. On en fait peut-être quand même assez bien dans nos propres domaines respectifs, mais dans les domaines connexes, on n'est pas très bon. Et donc ça me fait penser, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi qui a pas mal émergé ces dernières années, c'est l'utilisation d'Internet comme source d'information unique pour tout et n'importe quoi. Et les gens l'utilisent, alors je dis préconsultation, mais enfin, c'est un peu l'idée, quoi. C'est avant d'aller voir leur médecin, ils vont voir ce qu'ils peuvent avoir, donc ils vont se trouver 25 symptômes. Est-ce que c'est quelque chose auquel toi tu fais face dans ta pratique de tous les jours? Oui, constamment. Constamment. Les gens viennent et puis me disent, ben, voici mes symptômes. Là, ensuite, moi, je leur propose un diagnostic quelconque, puis ils me disent, ben, en fait, moi, j'ai lu sur Internet, puis je pense plutôt que c'était l'autre chose. Là, je leur dis, non, c'est impossible, ce que vous me dites, ça peut pas être ça. Puis là, ils disent, non, je pense que c'est vraiment ça. Donc là, c'est difficile parce que je me fais contredire par Internet, Puis je sais même pas où les gens ont pris leur information. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont lu. C'était quoi le site? C'était-tu un site d'une association médicale ou c'était un blog ou c'est les gens. Les patients deviennent de plus en plus contestataires parce que justement, ils ont l'impression d'avoir du empowerment, là, comme on dit, qu'ils se sentent mis en contrôle par le fait qu'ils ont accès à Internet, mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui réalisent pas qu'Internet, faut le lire avec un œil excessivement critique. Donc, tu as parlé tout à l'heure de la question de naturel ou de chimique. Est-ce que tu peux peut-être juste nous donner un peu ton point de vue sur qu'est-ce qui fait que le naturel a une vision positive et puis le chimique un peu une vision négative? Oui, ben c'est ça, j'ai fait un chapitre là-dessus, hein. On se dit que si c'est naturel, c'est bon, si c'est chimique, c'est mauvais. Pourquoi? Ben c'est parce que quand les gens pensent à chimique, ils pensent à des produits toxiques, ils pensent à des détergents très puissants qui vont nous irriter la peau si on y touche. Ils pensent à des polluants industriels qui se déversent dans nos cours d'eau. Mais souvent, les gens réalisent pas que la chimie, en fait, c'est quelque chose qui nous entoure dans la vie de tous les jours. Tout ce qui est naturel, d'ailleurs, je le dis dans la conclusion, tout ce qui est naturel est chimique. Cette distinction-là est importante à faire parce que quand les gens souvent arrivent à la pharmacie puis veulent un produit naturel, ils veulent pas juste un produit naturel, ils veulent un produit naturel pour s'éviter du chimique, donc pour s'éviter une molécule synthétique. Mais alors qu'ils réalisent pas que certains produits naturels sont pas du tout efficaces, pas sécuritaires, alors que leur pendant, leur penchant, leur équivalent synthétique est beaucoup meilleur. Parce qu'en plus, il y a pas mal de produits qui aujourd'hui sont fabriqués par la chimie, qui sont issus à la base de produits naturels trouvés au sein de plantes ou autres finalement. Ben vraiment, puis d'ailleurs, c'est pas pour rien que dans le livre, je donne des exemples basés sur la chimiothérapie, parce que les gens se disent que la chimiothérapie pour le cancer, c'est probablement la chose la plus chimique, synthétique, dangereuse qu'on peut avoir. Puis je donne des exemples où je dis, regarde, il y en a un que ça vient d'une fleur, un que ça vient d'un arbre, un autre que ça vient des bactéries qui vivent dans le sol. Tu sais, je sais qu'il y a un produit qui est en développement en ce moment, qui s'est basé sur de la salive de chauve-souris pour être un anticoagulant. Tu sais, c'est exceptionnel. Moi, ça me fait triper, ce genre de choses-là, mais les gens les savent pas, malheureusement. Ils pensent que si c'est un médicament, c'est forcément inventé dans un laboratoire par une entité maléfique de Big Pharma, là, mais c'est pas nécessairement comme ça que ça se passe. Moi, j'habite à Lyon, donc Lyon entre la vallée de la chimie où on a où on a plein de trucs pétroliers et entre le siège de quelques grandes firmes pharmaceutiques. Comme Boiron, enfin Boiron notamment pour l'homéopathie ou Pasteur, etc. Donc c'est quelque chose qui me parle parce que je pense qu'il doit y avoir pas mal d'interactions entre eux. Et j'ai l'impression, mais tu me diras si t'as la même opinion, c'est que c'est un peu du même ressort que la comparaison, enfin que le, on va dire, comme quand les gens se trompent entre homéopathie ou phytothérapie, le nombre de fois où j'ai entendu l'homéopathie de toute façon c'est à base de plantes, c'est bien, ou les questions de bio et organique ou encore les OGM, j'ai l'impression qu'il y a une corrélation entre ces différentes comparaisons, je sais pas si c'est quelque chose que tu partages. Je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. À toutes les fois que des gens viennent me voir à la pharmacie, par exemple, puis me disent l'homéopathie, c'est des produits naturels. Puis là, j'essaie de leur expliquer, non, l'homéopathie, c'est pas des produits naturels du tout, là. Arrêtez de penser ça, là. Ça a aucun lien entre les deux. Mais il y a beaucoup de confusion, justement, au niveau des termes, où, par exemple, les gens vont dire, ben, justement, l'homéopathie, c'est un médicament, puis ici, on a un problème. Je pense que, je sais pas. Peut-être que tu pourrais me dire si c'est comme ça chez vous en Europe, mais moi, quand j'ai commencé ma carrière de pharmacien il y a 10 ans, les produits homéopathiques étaient vraiment dans un coin séparé, puis on avait les médicaments avec ordonnance ou sans ordonnance qui étaient dans un coin. Puis maintenant, de plus en plus, les chaînes de pharmacie mélangent les deux. Donc, sur une tablette, tu peux avoir un médicament à côté un produit homéopathique et à côté un produit naturel. Puis la personne regarde les emballages. Les trois emballages sont relativement semblables. C'est du marketing. Donc, la personne n'est plus capable de faire la différence entre tout ça. Puis ça, c'est un gros problème. Je sais pas si c'est la même chose chez vous, là. Alors, enfin, le peu de pharmacies dans lesquelles je vais, on va dire, j'ai la chance de pas être trop malade, donc C'est bon, ça. Ils essayent quand même de bien arriver à identifier, on va dire, des zones, quoi, avec des produits de type cosmétique C'est ça. etc. Mais il reste quand même que, en deux, enfin, comment dire, pas tête de gondole parce que c'est pas des hypermarchés, mais à côté de la caisse, on retrouve de l'oscillococcinum de chez Boiron, voilà, qui est de l'homéopathie, et on va retrouver, j'ai pas l'impression qu'il y ait autant de mélange. Par contre, ce qu'on a en France, et je sais pas si c'est la même chose au Québec, c'est que l'homéopathie, c'est considéré comme des médicaments, mais c'est les seuls médicaments qui n'ont pas à prouver leur efficacité, par exemple. Oui. Au Canada, ça, tu veux dire? Bah, là, en France, c'est comme ça. Alors, je Ah, sais au pas si c'est. France, oui. Oui. Ben, c'est Enfin, comme ça c'est ici aussi. hallucinant, mais enfin, ça paraît juste fou qu'ils aient une dérogation comme ça, mais c'est le cas. Ouais, ici, en fait, les produits homéopathiques au Canada ont le droit d'obtenir un numéro d'autorisation du gouvernement, qui est pas le même numéro qu'un médicament, mais pour une personne, ça fait absolument aucune différence. Puis effectivement, ils n'ont pas besoin de prouver leur efficacité, de un. Et deux, tout ce qu'ils sont obligés de déclarer au niveau des risques, c'est d'écrire sur la bouteille, veuillez consulter votre professionnel de la santé si quelque chose ne tourne pas rond ou quelque chose ne va pas bien. C'est tout ce qu'ils ont à écrire. Ils n'ont pas besoin d'écrire tous les risques possibles, par exemple, de ne pas prendre de ne pas prendre un traitement parce qu'on prend de l'homéopathie ou, tu sais, comme, il y a vraiment comme une sorte de déni de risques qui sont possibles. Ça, moi, ça m'inquiète beaucoup. D'ailleurs, enfin, c'est sur l'homéopathie, je me souviens, je sais plus qui est-ce qui disait ça, qui disait que le principe d'équivalence qu'il y a dans l'homéopathie est un peu particulier parce que typiquement il y a des médicaments homéopathiques à base d'arsenic. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces médicaments-là vont soigner de la mort, par exemple, alors que l'arsenic tue les gens. Enfin, c'était des choses un peu comme ça, un peu étranges, qui, comment dire, ad absurdum, faisaient que l'homéopathie, enfin, ça avait juste pas de sens, quoi. Oui, et puis à l'époque, peut-être que ça semblait très logique, mais aujourd'hui, avec ce qu'on sait, on sait que ces principes-là ne tiennent pas la route. Moi, je me bats beaucoup ici, au Québec, pour faire retirer l'homéopathie des pharmacies. Je crois qu'on devrait pas vendre ça. Il y a certains de mes collègues qui sont pas d'accord parce qu'ils me disent, ben, tu sais, j'aime aussi bien que les gens viennent à la pharmacie puis que je puisse leur dire que ça sert à rien. Mais la vérité, c'est que moi, quand les gens viennent me voir puis me demandent qu'est-ce que je pense de l'homéopathie puis que je leur dis que ça c'est pas efficace en fonction de toutes les preuves scientifiques disponibles maintenant, ben souvent les gens repartent avec le produit homéopathique pareil, ils vont l'acheter quand même. Donc j'ai pas l'impression qu'on a tant un rôle que ça. Je pense que le fait de l'avoir dans des pharmacies, ça donne l'impression aux gens que c'est des produits qui sont crédibles. C'est vrai que une des questions que moi personnellement je me pose, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on a besoin ou pas d'avoir de l'homéopathie pour qu'il y ait les, enfin, comment dire, comme support à l'effet placebo aussi, quoi. Ben oui, effectivement, parce que ben c'est embêtant parce que ici l'attitude par rapport au placebo, c'est que il y a personne qui a envie de prendre un placebo, puis il y a pas aucun médecin qui a envie de prescrire un placebo, donc tu sais y a pas ici c'est pas bien vu là. Donc par exemple, moi, je recommanderais jamais à un patient quelque chose uniquement pour qu'il se sente mieux. Par exemple, lui dire ben prends ce produit-là homéopathique, puis je sais pertinemment que ça fera rien, mais que peut-être que l'effet placebo va faire son chemin. Les professionnels de la santé ici sont pas à l'aise avec ça. T'as raison, parce que c'est vraiment une notion on va dire, de mensonge face au patient, quoi. C'est une notion de mensonge, puis moi je pense que c'est un manquement à notre code de déontologie. Donc ça, je suis prêt à me battre pour cette idée-là. Donc on a parlé un peu de l'homéopathie. C'est vrai que les médicaments, ceux qui sont prouvés par la science, les gens ont peut-être tendance aussi à croire des fois que c'est une panacée, quoi. Que pourtant, ils sont. Oui, mais ils le sont pas. Même s'ils sont testés, c'est sujet d'étude, il y a quand même une grosse méfiance face à l'industrie pharmaceutique. Comment est-ce que tu expliques cette méfiance? Manque d'information, de la désinformation. Je sais que j'avais lu le livre Denialisme de Michael Spector, où lui, ce qu'il mettait en avant, c'est que ce qui a fait tomber, on va dire, un peu cette industrie de son piédestal, c'est bah, on va dire peut-être des affaires où bah, voilà, y avait effectivement des gens de mauvaise foi ou mauvais qui ont donné cette mauvaise image à toute l'industrie, quoi. Tout à fait, tout à fait. L'industrie a fait fausse route pendant des années, en fait, probablement, en fait, plus qu'une décennie, là, vraiment, il y a eu de l'abus, des choses absolument horribles là, qui se sont faites de la part de l'industrie. Bon, on peut en mentionner quelques-uns, par exemple, de donner des cadeaux aux professionnels de la santé en échange d'une promesse de prescrire un de leurs médicaments, amener les professionnels de la santé dans des congrès, puis que c'était juste un prétexte pour les gâter, dissimuler certains résultats d'études cliniques. Il y a eu des choses vraiment terribles qui ont été faites par l'industrie pharmaceutique. Là, présentement, nous ici, ça a été beaucoup resserré, les règlements. L'industrie maintenant est vraiment très, très, très surveillée. C'est beaucoup moins pire que ça l'était. J'ose croire que maintenant, l'industrie est sur la bonne route. Puis d'ailleurs, présentement, l'industrie pharmaceutique au Canada, du moins ou en Amérique du Nord, vit la pire période de son histoire, au niveau de sa profitabilité. C'est absolument mauvais. C'est vraiment, vraiment terrible. Puis je pense que l'industrie le mérite. Elle mérite de payer un peu pour ses erreurs, puis ça va peut-être l'amener à revoir son modèle d'affaires, puis à améliorer sa transparence, puis c'est son éthique d'affaires. Ça, c'est vraiment nécessaire. Ouais. C'est vrai que quand tu présentes les médicaments, je crois que t'en parles un peu plus loin, c'est aussi t'expliques que ben, y a pas de médicaments sans effet secondaire, quoi. Je pense que c'est bien à rentrer dans la tête des gens quand on leur dit que bah y a certains traitements où ça soigne tout, ça fait 10 000 ans que ça existe et qu'on peut soigner le cancer, être aveugle et puis le sida, quoi. Enfin, c'est. Effectivement, tu sais, encore là, c'est beaucoup une question d'attente ou de perception. Les gens ont l'impression que on devrait pas avoir d'effet secondaire avec un médicament, mais la vérité, c'est que ça n'existera jamais un médicament qui aura pas de risque ou qui aura pas de contre-indication, de précaution, d'effet secondaire. C'est impossible. Puis ça, je fais un parallèle avec ça plus tard dans la section sur les pseudosciences. C'est que si on vous dit qu'un traitement a aucun risque, qu'il n'y a aucune précaution à prendre, puis qu'il n'y a aucun effet secondaire, vous faites sûr que c'est pas efficace. Parce que, tu sais, n'importe qui a étudié la science sait qu'on peut pas. On ne peut pas améliorer quelque chose dans le corps humain sans perturber quelque chose d'autre ailleurs. C'est automatique. Donc, les gens doivent prendre conscience de tout ça parce que souvent, il y a des gens qui ont l'impression d'avoir été bafoués ou d'avoir été trompés quand ils ont des effets secondaires. Ils ont l'impression que les médicaments sont de mauvaise qualité, mais c'est juste une réalité qui est inhérente aux médicaments en tant que tels. C'est vrai que tu en parles dans les 6 questions qu'il faut se poser quand on a affaire à des approches holistiques. Oui. T'en avais parlé sur le podcast Scepticisme scientifique. C'est vrai que c'est des bonnes questions à se poser quand on a affaire à ce genre de personnes. Ouais. C'est ça, c'est 6 questions que je mentionne souvent aux gens. C'est pas toutes les questions, évidemment, à se poser, mais tu sais, des choses assez évidentes, là, comme. T'sais, est-ce que le traitement est hyper simple, accessible immédiatement par tous et sans effort? Autrement dit, quelque chose qui est trop beau pour être vrai, On aurait celui déjà d'aucun. utilisé depuis des années, quoi. Oui, effectivement, t'sais, la guérison par les anges, ça peut être bizarre de lire un livre qui parle de santé, mais qui parle aussi de guérison par les anges. Mais moi, récemment, j'étais dans un salon du livre, justement, en région. Puis moi, j'étais là pour signer mon livre, puis j'avais des gens qui venaient me voir, mais la personne qui avait le plus de visites, en fait, c'était une madame qui était juste à côté de moi et qui avait écrit un livre sur la guérison angélique. Et puis elle avait des files, là, elle avait 2 heures d'attente pour l'avoir. Puis tous les autres auteurs dans le salon se demandaient, mais qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi s'il y a autant de gens qui ont besoin d'être guéris par les anges ou quoi? Donc, quand on pense que c'est pas populaire, il faut arrêter de penser ça. Ouais, parce que moi, ça, justement, ça faisait partie des choses dont j'avais jamais entendu parler. La guérison Non? par les anges. Enfin, je crois que j'ai dû recevoir un email récemment là-dessus, où c'était Padré qui devait me soigner de tous mes maux, sûrement à travers un email. Mais je connaissais pas du tout. Et ça fait peur quand même, d'une certaine manière. Oui, ben tu sais, l'idée, c'est que par la prière, on peut se guérir. Puis, tu sais, en même temps, si je mets juste mon chapeau sérieux pour 30 secondes, là, tu sais, Si une personne a des croyances particulières, des croyances religieuses ou spirituelles, puis qu'elle a une souffrance, par exemple une souffrance spirituelle pour une raison quelconque, je pense effectivement que cette personne-là doit entreprendre une démarche pour essayer de guérir cette souffrance-là. Ça, c'est une chose qui a une pertinence. Mais de dire aux gens, par exemple, que pour guérir le cancer, il faut prier à tel ange et lui dire telle chose, ou que pour guérir la colite ulcéreuse, il faut prier à tel autre, à un maître ascensionné, ou encore à une, comment est-ce qu'on appelle ça, un être élémentaire là, qui est fait de feu, ou encore une fée. Là, moi, je commence à avoir des problèmes, là. Je comprends. Et justement, alors, un truc que je trouve fou, c'est qu'on parle de médecine alternative quand même. Oui. Je trouve que, enfin, d'un point de vue marketing, ils ont été quand même très très forts de pouvoir faire croire aux gens que c'était de la médecine déjà de base, qui a priori est plutôt quelque chose qui où on doit avoir des preuves, ça doit être étayé, validé. Enfin, rien que ça, je trouve ça déjà génial, quoi, pour eux. Enfin, comme travail marketing de leur part, quoi. C'est vrai parce qu'en fait, si on dit que c'est une médecine alternative, virons ça de côté de bord, ça devient que c'est une alternative à la médecine. Donc, nécessairement que si tu vas voir ton médecin et que ton médecin trouve pas ce que tu as, ben c'est logique de te tourner vers une alternative qui est la médecine alternative. Donc, il y a quelque chose là-dedans de très brillant. Puis moi, d'ailleurs, j'ai complètement banni de mon langage le mot médecine alternative. D'ailleurs, dans le livre, j'appelle ça des thérapies holistiques. Parce que je ne veux pas utiliser le mot médecine. Il n'y a pas une médecine et une médecine alternative. Il y a de la médecine et ce qui n'est pas de la médecine. Donc, moi, je refuse d'utiliser le mot médecine pour parler de ces thérapies-là. C'est des thérapies holistiques. Ça, je pense que c'est un mot qui est neutre. Le mot holistique est utilisé à tort et à travers partout, justement, les naturopathes, les homéopathes, etc. Donc, je suis très heureux de leur laisser ce mot-là et puis de les qualifier de thérapeutes holistiques. C'est vrai qu'après, tu nous parles aussi d'autres choses, des toxines et puis des cures visant à purifier notre corps, Ouais. qui, comme tu le dis, l'intestin rempli de nourriture qui reste là pendant longtemps, rangé comme celle d'un adolescent de 16 ans. Ouais. Quel est le statut de ces choses-là? Enfin, parce que c'est des choses qui sont vendues en pharmacie en plus. Oui, c'est très vendu. Moi, le sujet de la détox, là, si on veut, même, ce serait un mot qui engloberait tout ça. C'est un de mes sujets préférés. Puis ici, je suis souvent appelé à en parler dans les médias, entre autres. Et puis, je suis toujours surpris de voir à quel point c'est populaire. La détox ne perd pas de sa popularité du tout, là. Hier, je travaillais dans une pharmacie, justement, et puis c'était une pharmacie à grande surface. Et puis, dans la section où il y avait les médicaments pour des malades, pour des problèmes de santé reliés au système digestif, il y avait un paquet de cures détox sur les mêmes tablettes, là. Colon Cleanse, et puis donc Nettoyage du côlon, ouais, Body Flush, puis des choses comme ça. Je me dis, mais mon Dieu, c'est terrible. C'est terrible d'avoir ces produits-là encore visibles quand on sait qu'ils sont inutiles, puis même dangereux. oui, parce que justement, est-ce que c'est des choses qui sont testées et validées par des études ou des médecins ou je ne sais quoi? Je sais pas du tout quel est le. Enfin, de ce point de vue-là, comme c'est pas des médicaments, c'est peut-être pas du tout les mêmes réglementations. Non, puis souvent le problème, c'est que, tu sais, il y a pas de preuve. En fait, il y a aucune évidence, évidemment, qu'on a besoin de se détoxifier. Au contraire, on sait que le corps est pas sale, le corps a pas besoin de se nettoyer. On peut pas nettoyer notre foie, on peut pas nettoyer notre rein. Les organes sont pas sales par définition. C'est des organes émonctoires qui servent à éliminer les déchets à la base. Ces organes-là fonctionnent normalement. Donc, on a vraiment Il y a absolument rien qui nous pousse à croire que ces produits-là sont utiles. Puis ils n'ont pas été testés. C'est-à-dire que ça part d'une idée que, par exemple, si je donne des laxatifs à une personne, mais la personne va aller plus aux toilettes, donc elle va éliminer plus de déchets. Tu sais, c'est une logique qui est aussi ridicule que ça. Parce que c'est ce que ça contient. Les cures détox contiennent surtout des laxatifs, des diurétiques qui permettent d'uriner davantage, d'autres plantes qu'on ne sait pas à quoi elles servent. C'est comme un amalgame de plantes, puis qu'il n'y a pas d'utilité réelle. Et justement, ça m'a fait penser, c'est par rapport à cette problématique-là. Donc toi, tu y fais attention, mais il y a des endroits où en fait on peut encore faire moins attention. C'est les pharmacies en ligne. Ouais. Enfin, j'ai vu il y a pas très longtemps un reportage où des personnes parlaient qu'elles arrivaient à avoir des, alors c'était des pilules pour le régime ou je ne sais quoi, qui achetaient sur des pharmacies en ligne hébergées en Turquie, où en fait c'était les pires composés chimiques qu'il pouvait y avoir dedans. Enfin, je sais pas comment ça se passe au Québec ou au Canada, mais comment, enfin, quelle est ton opinion là-dessus Ben ici, on est quand même chanceux parce que j'ai l'impression que le phénomène des pharmacies en ligne a pas vraiment encore levé. Je pense qu'aux États-Unis, c'est un peu plus populaire, mais ici au Canada ou du moins au Québec, ça l'est pas encore vraiment, là. T'sais, peut-être dans quelques années, mais c'est très très rare que j'ai des gens que j'entends parler de ça, en fait, là. Occasionnellement, des gens qui vont me dire, je voulais me commander du Viagra en ligne. Qu'est-ce que t'en penses? Ça, c'est pas mal la question que j'ai, là. Donc ça, je pense que oui, peut-être il y en a quelques-uns qui en commandent, mais c'est pas un phénomène qui est très répandu. Puis moi, ça m'inquiète énormément parce que on entend des histoires d'horreur, là, de ce qui a été vendu sur Internet à chaque année, là. C'est vrai qu'après tu parles d'autre chose, de l'hyperscience. Alors c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que bon, modestement, à travers la science, j'essaye de présenter des références qui me semblent pertinentes et en discutant aussi avec d'autres pour arriver à trouver des choses qui valent vraiment le coup d'être lues si on a envie de s'y intéresser, pour arriver à faire un peu le ménage avec tout ce qu'on pourrait trouver sur les étals des magasins, peut-être aussi bah, comme ce livre sur la médecine angélique dont tu parlais tout à l'heure. Et j'ai l'impression qu'en fait, Internet, la liberté totale de publication, tout et n'importe quoi, ça a un rôle un peu important dans cette hyperscience, quoi. On en parlait un peu avec cette histoire de préconsultation, entre guillemets, dans les pharmacies, quand les gens se renseignent avant. C'est une vraie problématique. Je suis vraiment enfin, content que t'aies pu en parler, quoi. Ah ben merci, merci beaucoup. En fait, moi, parce que je me rends compte que maintenant, les gens du domaine des pseudo-sciences ont changé d'arme. Puis je m'en suis rendu compte une journée, en fait, j'ai été invité à la radio pour parler de placentophagie, donc manger son propre placenta après avoir accouché. Et puis, on m'a annoncé, quand je suis arrivé à la radio, qu'il y allait avoir une dame qui est une conseillère, donc qui accompagne finalement des gens dans cette procédure-là, puis qui leur fait des recommandations. J'ai appris que ça allait être un débat, donc c'était un peu une surprise. Puis cette personne-là est arrivée avec des références scientifiques, donc elle n'a pas décidé de se battre avec moi en parlant de son expérience et en disant « j'ai 25 ans d'expérience dans ce domaine-là ». Elle a commencé à citer des tonnes d'études à la radio, en direct, puis moi j'avais aucun moyen de me défendre parce que elle me parlait de l'étude de professeur tel et de docteur tel qui a démontré telle chose par rapport au facteur placentaire, etc. Puis là, mais j'ai aucun moyen de me battre contre ça. Et puis forcément que elle, aux yeux, pas aux yeux, mais les gens qui sont à l'écoute ont l'impression que c'est une personne crédible, que c'est une personne qui sait de quoi elle parle. Puis moi, tout ce que je pouvais dire, c'est de dire, ben écoutez, je doute fortement de ce que vous me dites et je crois que les études ont probablement été mal interprétées, mais elle apparaît quand même comme une personne crédible. Fait que c'est ça maintenant, les pseudo-sciences, c'est de prendre des études réelles, mais de les citer d'une manière qui est incorrecte. Puis ça donne une fausse impression de crédibilité. Moi, ça m'inquiète excessivement cette tendance-là, beaucoup plus que la pseudo-science en tant que telle. J'ai l'impression qu'il y a une problématique de, on va dire, d'enseignement de l'esprit critique finalement qui manque et qui serait nécessaire aux gens de pouvoir arriver à, sans forcément eux-mêmes aller regarder les études pour comprendre, mais peut-être pour savoir que ben oui, les statistiques font qu'une étude sur 20 potentiellement va trouver un effet là où il n'y en a pas. Et donc que c'est possible que ce soit celle-ci qui soit citée pour dire tout et n'importe quoi. J'ai l'impression qu'il y a cet aspect-là qui joue. Je sais pas si selon toi c'est quelque chose qu'il faudrait inculquer ou voire inculquer plus. Je sais pas quel est l'état de cet enseignement au Québec et puis au Canada de manière plus large. Ben c'est sûr, moi en fait cet enseignement-là, c'est quoi l'état? Il n'y en a aucun. Moi je crois qu'on devrait avoir des cours où on enseigne l'esprit critique très très jeune. C'est pas du tout le cas. Puis ici, le phénomène est beaucoup amplifié par les médias parce que dans les médias, c'est beaucoup le but, c'est de faire une nouvelle intéressante. Donc on va prendre une étude isolée, puis ils vont en faire un gros headliner avec ça en disant à nous. Découverte scientifique, le sirop d'érable guérit le diabète. Bon. Puis c'est là après tu lis ça puis tu dis mon Dieu, franchement c'est une étude chez des rats, ils ont donné un peu de sirop d'érable à des rats puis les rats ils ont eu une diminution de leur glycémie à jeun, tu sais c'est comme n'importe quoi là. Il y a un gros problème ici, c'est comme ça vient de tous les sens puis je pense que la seule façon ça va être effectivement de l'enseigner peut-être aux jeunes. Je crois que c'est cet exemple-là en plus que tu utilises dans ton livre, je crois. Oui. Oui. Mais c'est marrant parce que ce matin, j'écoutais l'émission à la télé où il y avait un ancien ministre de la Culture. Bon, je suis pas spécialement du même côté politique que lui, mais il avait quelque chose, je pense, de très intéressant, c'est que les médias n'ont pas pour vocation on va dire, à faire chaque jour de l'information pertinente. Ils sont plutôt là pour chaque jour faire de la nouvelle information. Et c'est Ouais. tout à fait ce que tu dis, quoi. Ben c'est vrai, effectivement. Donc les médias, ils veulent faire une nouvelle, ils veulent avoir maintenant, c'est sur Internet que ça se passe, donc ils veulent avoir des clics. Donc les médias sont un peu réduits à la même chose que la majorité des sites web qui sont pas fiables. Puis un gros problème aussi, puis ça j'en parle souvent dans mes conférences, c'est que les journalistes, il y a pas beaucoup de journalistes scientifiques, en tout cas ici il y en a très peu. Donc le problème, c'est que les nouvelles scientifiques sont traitées par des journalistes généralistes qui sont pas capables de faire la différence entre qu'est-ce qui a de l'allure puis qu'est-ce qui a pas d'allure. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est ce que j'avais en tête aussi, c'est qu'il y a assez peu de journalistes scientifiques, et c'est peut-être là où le monde de la vulgarisation et le travail que tu fais notamment peut peut-être arriver à combler, on va dire, autant que faire se peut, ce défaut qu'ont les médias aujourd'hui, quoi. Ouais, j'espère. Bon. Après, d'ailleurs, tu parles d'un autre sujet qui a pas mal comment dire, défrayé la chronique, comme on dit, c'est les vaccins, et... Ouais. C'est encore un des chapitres juste indispensables à lire, mais je pense que je risque de le lire tout le long, ça, en fait, dans ton livre. Enfin, nous, on est vachement touchés, enfin, plus proche de ça, parce qu'en Espagne, il n'y a pas très longtemps, enfin, je pense que tu en as entendu parler, il y a eu de nouveau des cas de diphtérie. Ça faisait Ouais. presque 30 ans qu'il n'y en avait plus, Ouais. parce que des parents anti-vax avaient pas voulu vacciner leurs gosses, et maintenant, ils vaccinent tous leurs enfants qui sont en bonne santé. Bon, malheureusement, on va dire... Ça aura fait que, voilà, ça leur a déclenché ces réflexions. Enfin, est-ce que c'est quelque chose que tu rencontres souvent, toi, enfin, j'imagine, cette défiance face au vaccin? Ah, oh, c'est constant. C'est constant. Je le rencontre je le rencontre à la pharmacie. Je le rencontre dans mon entourage aussi beaucoup. Donc des gens que tu rencontres dans un contexte social, tu discutes, c'est agréable. Puis tout d'un coup, le sujet des vaccins vient comme ça sur le sujet. Puis là, ben, tout d'un coup, tu apprends que ces personnes-là ne vaccinent pas leurs enfants parce que les vaccins, c'est dangereux et c'est inutile. Puis là, ils commencent à te dire des choses comme par exemple, ben, tu sais, j'ai lu là-dessus et puis finalement, les maladies sont pas disparues à cause des vaccins, elles sont disparues à cause de l'amélioration de l'hygiène publique. Puis là, tu te dis, mais coudonc, mais ces gens-là ont vraiment été, ils ont subi un lavage de cerveau important, là. C'est extrêmement inquiétant ce qui se passe. Puis moi, je me considère chanceux parce qu'ici au Québec, c'est un phénomène qui est encore pas, tu sais, c'est encore marginal, là. Mais je sais qu'en Europe, c'est beaucoup plus fort le mouvement anti-vaccin. Je sais même pas qu'est-ce que vous allez faire avec ça. Ici, j'ai l'impression qu'on est peut-être, c'est peut-être un peu sous contrôle, mais il y a des endroits aux États-Unis, entre autres, où que je pense en Californie, il y a des problèmes majeurs, là. Ouais, c'est assez problématique parce que en plus bon le pire c'est que les enfants qui sont pas vaccinés typiquement souvent vont profiter de la vaccination de groupe, enfin pas la vaccination de Ben oui. groupe mais voilà comment on dit, de l'immunité de groupe Ben oui. mais au-delà d'un certain niveau de non-vaccination ça va plus jouer donc ça va être les premiers qui vont être touchés malheureusement quoi. Ouais, effectivement. Mais ça, il y a beaucoup encore là de, tu sais, le problème vient beaucoup d'un manque de compréhension de ce que c'est un vaccin au sein du public, tu sais. Les gens ne comprennent pas bien c'est quoi un vaccin. Ils comprennent pas qu'un vaccin, c'est un médicament au même titre qu'un autre médicament, tu sais. Par exemple, les gens vont être outrés quand on a entendu que le Vioxx causait des crises cardiaques. Mais là, après ça, les vaccins, ils sont outrés de choses qui ne se produisent même pas, tu sais. Donc, je trouve ça un peu étrange. Il y a comme un double standard qui me dérange. Puis je pense qu'on a fait un mauvais travail pour expliquer aux gens c'est quoi vraiment un vaccin. Alors après, il y a une autre question que peut-être que toi tu sauras y répondre, c'est ce que j'ai pu remarquer en écoutant en lisant des bouquins, en écoutant des gens en parler, c'est qu'il y a des différences on va dire, de politique vaccinale entre les différents pays. Oui. Notamment, par exemple, je sais qu'aux États-Unis, on peut être vacciné contre la varicelle, ce qui n'est pas le cas en France, typiquement. En France, c'est pas obligé de se faire vacciner contre l'hépatite B, alors qu'il y a des vaccins, il y a des vaccins trivalents avec le DT polio ou tétra ou quadra ou hexavalent qui incluent la vaccination contre l'hépatite B. Donc je sais pas comment ça se passe au Québec, mais je pense que ça aussi, dans la tête des gens, ça peut amener des questions. Comment ça se fait que dans certains pays, on peut se faire vacciner contre ça, pas dans d'autres? Est-ce que ça sert à quelque chose de se faire vacciner contre ça? Peut-être même, est-ce que ça sert à quelque chose de se faire vacciner contre d'autres maladies? C'est tellement une question importante que tu soulèves, puis c'est vraiment pas évident. En fait, moi, c'est drôle parce que dans la dernière année, j'ai été sollicité par différents groupes, en fait, pour participer à des tables rondes sur la vaccination, comment est-ce qu'on peut essayer d'améliorer la situation présentement, changer la perception du public avec des gens de différents pays. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est exactement ce que tu viens de dire, que par exemple aux États-Unis, eux, leur attitude présentement, c'est de se dire, ben, rendons des vaccins obligatoires, comme ça les gens pourront plus se plaindre. Les gens vont être obligés de se faire vacciner. Mais là, ils sont prises avec un autre problème. Ils sont prises avec par exemple un groupe d'infirmières aux États-Unis qui a beaucoup de membres. C'est des infirmières qui sont contre la vaccination, Nurses Against Vaccination. Donc, ils sont en train de créer un problème plus grand en voulant régler le problème. Donc, en forçant les gens à se faire vacciner, ben, ils renforcent l'idée qu'il y a quelque chose de méchant ou de mauvais ou d'intrusif, parce que les gens voient le vaccin comme étant intrusif. Puis là, en plus, tu l'obliges. Donc, ça a pas l'air d'être une solution qui fonctionne bien. J'ai pas de réponse à ça vraiment. T'sais, je sais pas exactement qu'est-ce qu'il faut faire, mais de ce que j'ai entendu là, avec mes discussions dans les gens dans différents pays, l'obligation de se faire vacciner semble pas être une bonne avenue. Malheureusement. Bah, c'est vrai que c'est, enfin, nous en France, il y a une obligation de faire un certain nombre de vaccins avec des rappels, etc. Donc, j'ai l'impression que c'est quand même relativement bien suivi. C'est peut-être un peu plus sur le long terme, mais par contre, pour tout ce qui est obligatoire, donc ça, j'ai l'impression que c'est à peu près bien suivi en France. Par contre, tout ce qui l'est pas, c'est beaucoup plus sujet à discussion parce que les gens se disent, mais si c'est pas obligatoire, est-ce que c'est effectivement efficace? Tu vois, donc c'est un peu, on va dire, la vision un peu inverse, quoi. C'est si c'est pas obligatoire, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est pas parce qu'ils sont pas sûrs que ça marche? Ou tu vois, est-ce qu'il y a un risque trop grand? Il y a ce genre de réflexion, quoi. Ah, t'as tout à fait raison. Puis, je pense qu'il y a peut-être pas de réponse standard pour tous les pays. Tu sais, c'est peut-être différent selon l'endroit. Puis, des fois, il y a des situations aussi à un moment donné où, par exemple, tu sais, moi, je trouve qu'un travailleur de la santé ait un vaccin contre la grippe, je trouve que c'est indispensable. Donc, là, l'obligation, je trouve qu'elle est pertinente. Est-ce que c'est pertinent, par exemple, de faire vacciner tout le monde pour la grippe? Non. Donc là, c'est pas super évident comme question là. C'est pas juste une question de santé, c'est aussi une question de d'autres paramètres qui peut-être sont à côté, non? Ben oui, effectivement, tu sais, ça dépend du contexte, ça dépend de toutes sortes de choses. Puis, tu sais, moi, à chaque fois que j'ai des questionnements comme ça, je me ramène toujours à. J'ai discuté avec des gens qui j'ai discuté avec une femme du Sénégal, entre autres, l'année passée, qui lutte pour la vaccination là-bas. Puis eux, leur problème majeur par rapport à la vaccination, c'est qu'ils n'ont pas de route, puis ils n'ont pas de frigo pour garder les vaccins. Moi, je me ramène toujours à ça. À un moment donné, je me dis, OK, regarde, il y a des gens qui sont pas mal dans des pires situations que nous, là, OK? Parce que des fois, on a l'impression qu'on a des gros problèmes ici. Eux, ils ont des vrais problèmes, là. Nous, on a des problèmes qui sont vraiment circonstanciels. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais il n'y a probablement pas une solution qui va fonctionner pour tout le monde. C'est ce que disait Michael Spector dans Dénialisme, dans cet ouvrage-là, c'est qu'il disait que on est tous là, en Amérique du Nord ou en Europe, à se poser des questions sur tel ou tel vaccin, est-ce qu'il faut le prendre ou pas, quand on se rend compte qu'il y a des pays en Afrique ou du tiers-monde où, en fait, s'ils pouvaient avoir des vaccins, mais ils donneraient tout ce qu'ils pourraient. C'est ça. Juste ça pourrait déjà, peut-être, si les gens s'en rendaient compte, ça les ferait pré-réfléchir sur le fait que c'est indispensable de le faire, quoi. Ouais, ben le jour où, tu sais, c'est comme on dit, quand on le perd, c'est là qu'on le regrette. Donc, j'ai l'impression que si du jour au lendemain, on n'avait plus accès au vaccin, ben là, peut-être qu'il y a des gens qui diraient, mon Dieu, mais c'est horrible, on n'a plus accès au vaccin. Peut-être que c'est ça que ça va prendre, je sais pas. On va peut-être aborder. On a parlé de sujets bien, bien lourds entre guillemets. Dans la troisième partie, tu parles des repas de famille. Donc Ouais. quelque chose peut-être un peu plus léger, même si c'est très intéressant. C'est encore quelque, enfin, je veux dire, une mine d'or de choses marrantes à voir, et puis en même temps de sujets intéressants parce que le fait, enfin. Le fait de lire les livres comme ceux que tu fais, ça fait qu'on devient un peu le marginal, le sceptique, le casse-pied, le rabat-joie de la Oui. famille. On sent que Oui. ça, on sent le vécu dans ce que t'écris. Tellement. En fait, je peux faire un. Dans le chapitre, il y a un personnage. Le personnage, le chapitre, je l'ai construit comme un livre dont vous êtes le héros, là, donc avec des choix à faire, et puis on va à la case telle, puis tout ça. Puis le personnage qui est en vedette, que j'ai fait, qui est androgyne, là, de façon volontaire, c'est moi, en fait, ce personnage-là. Puis ce souper-là, en tant que tel, a eu vraiment lieu. C'est un souper auquel j'ai assisté dans ma famille. Et puis j'ai échoué lamentablement, en vrai. Dans ce vrai souper-là, j'ai vraiment échoué sur toute la ligne. Je me suis vraiment mal pris. Puis j'y ai repensé souvent à ce souper-là, entre autres, en me disant qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment pour essayer de faire valoir mon point tout en étant assez respectueux pour pas que les gens deviennent enragés, puis peut-être essayer de leur faire comprendre quelque chose. Donc, c'est ça que j'ai essayé de faire. Mais donc, oui, non seulement il y a du vécu, mais c'est même une histoire vraie que je raconte dans le chapitre, là. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que j'ai l'impression que dans la philosophie sceptique, entre guillemets, ou tout du moins dans cet état d'esprit, on peut pas être absolu parce qu'on n'a jamais de certitude sur tout. Et j'ai l'impression que c'est assez souvent un peu ce combat-là, quoi, qui se passe. C'est des personnes qui sont convaincues, même persuadées, je dirais, de ce qu'elles ont à dire, donc qui vont être absolues dans tout ce qu'elles vont dire. Et peut-être le sceptique qui ne pourra juger que ce sur quoi il sait et qui aura toujours ce doute ancré en lui parce que c'est comme ça que la science avance, quoi. Ouais, c'est ça, c'est, tu sais, l'argument, moi, l'argument ultime, là, qu'on se fait sortir, les gens qui sont plutôt sceptiques, c'est la science n'a pas toutes les réponses. Puis ça, je pense qu'il n'y a personne d'autre de mieux placé qu'un sceptique pour être d'accord avec ça. C'est sûr que la science n'a pas toutes les réponses, mais c'est précisément pour ça qu'on s'abstient de faire certaines recommandations ou d'affirmer certaines choses. C'est parce que la science n'a pas toutes les réponses, mais on a des moyens pour les obtenir, ces réponses-là. Donc, tant qu'on ne s'est pas donné les moyens ou tant qu'on n'a pas pris les démarches nécessaires, ben à ce moment-là, on peut pas faire des affirmations dans les airs comme ça. Fait que je pense que les gens, quand ils disent ça, la science n'a pas toutes les réponses, je pense qu'ils comprennent même pas ce qu'ils sont en train de dire vraiment. C'est une affirmation qui est très sceptique, de mon point de vue, de dire ça. Je pense que c'est la première chose qu'on apprend en science, que tout est théoriquement possible, mais qu'on peut tester des hypothèses par l'expérimentation. Encore là, ça vient du fait que il y a un manque de culture scientifique. Les gens comprennent pas c'est quoi la démarche scientifique. Ils pensent que la science est une forme de religion où la science croit à certaines choses et ne croit pas, par exemple, aux fantômes, puis croit pas à l'énergie qui circule dans l'univers. Mais on croit, par exemple, à la gravité. C'est pas comme ça. La gravité, ça se teste, tandis que l'énergie ça se teste. Puis d'ailleurs, quand on le teste, mais ça fonctionne pas. C'est Ouais. juste ça, tu sais. Mais je pense que enfin le mot que tu dis, c'est le bon, c'est le problème du mot croire, quoi. C'est que il y a trop même de scientifiques, je trouve aussi, qui disent que voilà, ils croient en la théorie de Darwin ou ils croient en, comme tu disais, la relativité générale. Malheureusement, c'est Ouais. ce mot-là, il est pas bien à utiliser dans ce cadre-là, quoi. Comme tu le dis, pour la religion, oui, mais pas pour la science. Non, ce mot-là nous nuit énormément parce que c'est pas, tu sais, dans le chapitre où je parle justement du côté lumineux, du côté obscur, je le dis, le côté lumineux, il se base sur la science, puis il est prêt à suivre la science, peu importe où elle va le mener. Si la science détermine que il existe un lézard géant qui mesure 50 pieds de haut à quelque part, qui vit dans un lac, ben on va y croire éventuellement, tu sais, c'est-à-dire qu'on va embarquer là-dedans, là, vu que la science nous mène là. Côté obscur, il se base sur des croyances, tu sais, il se dit je crois à telle chose. Donc non, le mot croyance, on l'utilise dans notre dans notre jargon, mais je pense qu'on devrait essayer de l'éliminer. Et ça me fait penser un peu, c'est comme pour les miracles qu'essayent de mettre en avant certaines religions, où en fait, bah, si la science n'a rien à dire, ça veut dire que la religion a raison et que c'est bien un miracle. Mais en fait, on n'a pas prouvé que la religion a raison. On a juste prouvé que la science a rien trouvé. C'est tout, quoi. Ouais, effectivement. Tu l'as bien expliqué. Et d'ailleurs, ça me fait penser, je sais pas si tu connais Thomas Guyot. Non? Il a un blog qui s'appelle Septum, donc il fait de la traduction d'articles sceptiques. Et il y a pas très longtemps, il avait traduit un article où justement, ce qui mettait, qui est peut-être aussi un problème qu'il y a dans ces fameux repas de famille, c'est que s'opposer aux croyances non scientifiques, donc les anti-vax, ou même de manière générale, en fait, ça les renforce. C'est-à-dire que le sceptique va plutôt renforcer on va dire, la personne qui va croire en médecine alternative ou dans tout ce qui est anti-vaccin ou pseudo-science, en s'opposant à lui, quoi. C'est vrai, puis en fait, justement, une des discussions que j'ai participé par rapport au vaccin, on m'avait sorti, il y a quelqu'un qui m'avait sorti justement des données scientifiques à cet effet-là, que quand on contredit une perception ou une croyance, on a tendance à la renforcer. Je pense que c'est peut-être un peu pour ça, moi, que j'utilise un peu l'humour puis la dérision, parce que je trouve que c'est une façon un peu détournée de faire réfléchir, finalement, sans nécessairement dire telle chose est fausse. D'essayer de s'amuser un peu avec, je pense que ça, c'est une méthode de contourner peut-être le choc que ça fait de se faire dire que c'est pas vrai. Et dans la continuité de cette troisième partie, tu l'as abordé un peu, tu parles de deux autres sujets qui sont un peu connexes finalement à tout ce que tu as abordé jusque-là, c'est la dépression et la déprime. Qu'est-ce Ouais. qui t'a motivé en fait à parler de ça? Parce que on sent quand même une différence entre ces deux thèmes-là, qui devaient sûrement t'être chers et auxquels tu tenais, et puis les autres sujets que tu abordais dans le reste du livre. Ouais, ben j'avais envie en fait de j'avais envie de finir le livre d'une façon peut-être un peu différente, tu sais. Puis moi, ces deux sujets-là sont importants pour moi. En fait, le sujet de la dépression, par exemple, être déprimé par opposition à souffrir d'une dépression, je pense qu'il y a beaucoup de pseudo-sciences aussi là-dedans, où par exemple, les gens ont l'impression que quand on est en dépression, c'est parce qu'on est lâche ou parce qu'on n'est pas capable de se motiver ou des choses comme ça. Donc, c'est comme une autre, c'est une autre forme de fausse croyance. Tu sais, c'est encore là, c'est des fausses perceptions, mais qui ont un impact un peu plus humain. Donc, c'est ça que j'ai voulu différencier là-dedans. Puis ensuite, ben, le chapitre sur le stress, j'avais envie de finir sur une note personnelle. J'avais envie d'écrire un chapitre basé sur ma vie à moi. Et puis, je voulais écrire quelque chose d'utile aussi. Moi, je trouvais que c'était un sujet qui s'imposait de lui-même, surtout après le chapitre sur la dépression. Je trouvais que le chapitre sur le stress venait comme un peu naturellement, puis nous amenait un peu vers la conclusion, du livre. C'est vrai que c'est intéressant parce que finalement, ce que tu expliques, c'est qu'on a, enfin, le stress, ça a aussi été un moteur de l'évolution de l'homme, quoi. Je trouve que Oui. ton exemple où bah, c'est le fait d'être stressé qui fait qu'on se fait pas bouffer, c'est tout à fait ça, quoi. Oui, exactement. Puis, tu sais, je donne l'exemple de quand je marchais à Yellowstone, j'avais peur des grizzlies. Tu sais, c'est un mécanisme de défense qui est tout à fait voulu. Donc, c'est un bon mécanisme de défense. Le problème, c'est que justement, présentement, notre stress puis nos inquiétudes se tournent vers des choses banales de la vie courante. Donc, moi, c'est quelque chose que je vis, tu sais, c'est quelque chose que j'essaie de gérer moi aussi de mon côté, beaucoup le stress dans mon travail. Puis tu sais, je voulais essayer de faire bénéficier les gens de certains trucs que j'ai trouvés. Mais c'est des trucs aussi qui sont basés aussi sur des connaissances scientifiques, puis au niveau de la thérapie comportementale, entre autres, parce que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Comment est-ce qu'on peut modifier notre attitude par rapport à certaines choses dans la vie, pour que ça nous embête moins? Et justement, un peu dans la suite de tout ça, tu présentes une vision un peu idéale du futur, ou tout du moins du patient, donc de l'homme du futur, qui croit pas n'importe quoi, et qui fait ce qui est bon pour lui, on va dire mais on va dire sans aller vers des fausses croyances. Est-ce que, enfin, c'est une vision que tu aimerais, c'est rêver, est-ce que pour toi c'est de l'idéal, enfin c'est. Oui. Vraiment, vraiment. C'est pour ça que j'ai terminé le livre là-dessus, parce que au départ, tu sais, j'ai commencé avec 10 mythes ou 10 choses qui se produiront jamais dans le futur. Donc, toutes des attentes qu'on devrait éliminer. Donc, penser par exemple qu'un jour on va pouvoir perdre du poids en étant assis sur notre sofa parce qu'on prend une pilule qui nous fait maigrir ou, tu sais, des choses comme ça qu'on devrait complètement éliminer de nos objectifs. Et puis après, ben nécessairement que c'était nécessaire de dire, ben garde, peut-être que dans une société future, ça va juste être, tu sais, d'être en bonne santé, ça va juste être quelque chose de normal, tu sais. Puis que finalement, on va avoir des bonnes habitudes, pas parce que c'est nécessaire, mais juste parce que ça fait partie de notre vie normale. Ça fait partie, c'est juste quelque chose d'habituel. Moi, j'aspire à ça. Est-ce que ça va se faire un jour? Je sais pas. C'est pour ça que je le dis aussi que c'est une vision qui est peut-être utopique, mais je trouvais que c'était un bon, c'était un message d'espoir un petit peu là, où tu sais, où je montre aux gens que si on arrête de croire toutes sortes de choses, puis qu'on fait tout simplement appliquer les principes de base, c'est ça que je dis d'ailleurs sur l'homme du futur entre guillemets, c'est que tu sais, il fait pas grand-chose, il a juste décidé que faire de l'activité physique, c'est juste normal. Bien manger, c'est juste normal. Ne pas prendre des produits. Il prend pas de produits inutiles pour rien. Il fait confiance à aux professionnels de la santé quand les problèmes pour lesquels il les consulte sont de leur ressort. C'est pas. Y a pas on a, je voulais montrer qu'on n'a pas grand-chose à faire pour atteindre ça, finalement. Alors c'est chaud, je sais que t'en avais parlé chez Scepticisme Scientifique, c'est volontairement tu ne cites pas d'études, sauf peut-être dans les notes à la fin, mais qu'est-ce qui te pousse à ne pas le faire justement pour éviter un peu cette hyperscience peut-être? Ben, en fait, oui. Y a plusieurs raisons. Premièrement, ben, tu sais, moi, c'est un ouvrage pour le grand public. Donc, tu sais, j'ai pas envie de citer des études que les gens iront pas lire, de toute façon. Ensuite, ben, dans ce livre-là en particulier, c'est beaucoup des concepts de base dont je discute. Par exemple, tu sais, comme justement naturel versus chimique, tu sais, va voir n'importe quel étudiant en sciences naturelles à l'université qui vient de terminer sa première année, puis c'est même pas un sujet de discussion, là. Tu sais, c'est vraiment des principes de base. Donc, tu sais, j'avais pas envie de citer mes livres de pharmacologie de base, là, ou des choses comme ça. Tu sais, je trouvais que c'était inutile. Mais comme là, tu vois, quand j'écris des choses qui sont plus dans le détail, à ce moment-là, je les cite, les références, là. Mais par exemple, quand je dis que la détox, tu sais, il y a des gens qui m'ont dit, quand je parle de la détox, par exemple, il y a des gens qui me disent, ouais, mais t'as pas cité aucune étude pour prouver que ça sert à rien. Mais j'ai pas besoin de citer que ça prouve à rien. C'est pas moi qui ai le fardeau de la preuve, là. Tu sais, je veux dire, la détox, ça fait pas partie ça fait pas partie de la médecine. Ça fait pas partie de notre du fonctionnement du corps humain. Donc, si je cite quelque chose, je vais citer quoi? Je vais citer mon livre d'anatomie, tu sais. Je veux dire, c'est un peu embêtant, là. Je vois ce que tu veux dire. Donc, j'ai jonglé un peu avec toutes ces idées-là, puis c'est pour ça que je cite pas des études sauf exception quand je pense que c'est vraiment 100% nécessaire. Mais alors après, ça j'ai trouvé ça marrant, t'as des stickers tout à la fin du livre. Ouais. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu pourquoi qu'est-ce qui t'a fait en mettre Ben moi j'aime ça, tu sais on dirait que je sais pas, c'est comme un trip de nostalgie que je me suis offert en fait. J'ai toujours aimé ça, moi, quand il y a des collants et puis qu'on peut les mettre à des endroits. C'est vraiment très bébé là comme idée. Sauf que là, j'ai voulu créer quand même quelque chose de drôle puis d'utile. La première page de collant, en fait, c'est des autocollants qu'on peut mettre pour faire une sorte d'objection de conscience. Donc, par exemple, des autocollants qui nous disent pseudo-science ou à Robot lire pour être avec vrai. c'est ça exactement. Ce produit n'est pas 100% naturel. C'est une gracieuseté Lucifer. Ouais. Donc, tu sais, de reprendre des thèmes du livre, puis moi, j'aimais l'idée que des gens, par exemple, à un moment donné, allaient lire des choses, ou, tu sais, par exemple, sur un babillard, c'était ça mon idée. Je me suis dit que les gens vont être au travail, ils vont lire un babillard, ils vont regarder le babillard, puis là, il y a quelqu'un qui va avoir affiché quelque chose là, sur tel nouveau remède qui a été découvert. Puis là, j'aime l'idée que quelqu'un, en rentrant chez eux le soir, va prendre le collant qui s'appelle, par exemple, Avertissement à lire avec un air sceptique et les yeux à demi fermés. Mmh. Va prendre le collant, va l'amener au travail puis va le mettre sur la feuille pour que les gens voient oh ouais, finalement, tu sais. Mmh. Fait que c'est ça, j'aimais cette idée-là. Puis la page de droite, je me suis vraiment juste amusé là, tu sais, faire des autocollants pour comme la qui avait rapport avec le qui avait rapport avec des thèmes du livre, tu sais, sur la l'objection silencieuse, j'aime les vaccins, mon fameux graphique de est-ce que je suis mort, oui ou non, ben si, ouais. Sinon ben tes organes fonctionnent parfaitement. Si j'ai il y a beaucoup de choses dans ce livre là où c'est vraiment juste moi qui veux m'amuser là, tu sais, puis j'espère que les gens ça va les amuser aussi. Bon, en tout cas c'est un livre qu'on prend plaisir à lire. Enfin, merci. Il est illustré, il est coloré, en tout cas ça attire l'œil et puis en plus on peut s'en servir alors moins pour taper sur les gens que pour leur montrer qu'il y a des ouvrages dans lesquels ils peuvent aller trouver des choses intéressantes sur, enfin comme je te disais, je l'avais utilisé pour expliquer dans des débats entre amis pour leur expliquer des trucs, ça a bien marché. J'aurais pas tapé dessus. Ouais, ben moi c'est un des plus beaux compliments qu'on m'a fait jusqu'à maintenant, c'est des gens qui me disent "Hey, je voulais expliquer telle chose à ma mère ou à mon conjoint ou des choses comme ça puis j'ai utilisé ton livre ou ton site web pour le faire." Tu sais, moi là, ça c'est extraordinaire quand je me fais dire ça, c'est le plus beau compliment que je peux avoir. Parce que justement mon but c'est de sensibiliser les gens à l'esprit critique. Donc si je peux non seulement, si je peux mettre des outils dans les mains des gens qui sont comme moi puis qui veulent essayer de faire ça aussi, regarde, ça peut pas être mieux, là. Et qu'est-ce qui est, alors, dans ta pratique de pharmacien tous les jours, c'est quoi le plus dur auquel t'as à répondre? Enfin, c'est la chose à laquelle t'as le plus dur à laquelle t'as à faire face dans ta pratique. C'est des antivax, c'est des gens qui démordent pas que l'homéopathie fonctionne, enfin, c'est quoi, en fait? C'est quoi le pire? Le pire, je suis pas certain vraiment, mais tu sais, comme je pense que pas mal tout ce qu'on a mentionné, en fait, ce que j'ai mis dans le livre, c'est vraiment les pires exemples. Fait que l'homéopathie, oui, parce que moi j'ai un gros problème avec l'homéopathie. Donc quand quelqu'un m'obstine que c'est bon puis que ça fonctionne, ça me dérange. Le mythe du chimique et du naturel, je l'ai pas mis dans le livre pour rien. C'est que c'est une des choses que je trouve les plus difficiles à expliquer aux gens. C'est très, très, très difficile quand une personne te dit viens me consulter puis me dit je veux que tu me donnes quelque chose pour mon problème, mais je veux pas quelque chose de chimique. C'est le conseil pharmaceutique que tu pensais qu'il prendrait peut-être 2-3 minutes, là tout d'un coup, t'aurais besoin de comme 45 minutes, là. Donc vraiment, là, j'ai voulu essayer de faire comme un condensé de toutes sortes de choses pour justement que des interventions qui seraient très très difficiles à faire en vrai ben puissent être un peu plus facilement réalisables. Donc c'est pour ça que j'ai dit que le site web puis le livre, il est né de ma frustration, c'est que tous les problèmes difficiles auxquels je fais face, ben c'est ça que je mets sur mon site puis c'est ça que j'ai mis dans mon livre. Et est-ce qu'il y a des choses que t'aurais voulu aborder mais que t'as pas pu, ou alors des choses que t'aurais bien voulu aborder mais c'est pas faisable dans ce livre? Ben pas que c'est pas faisable, mais j'avais 3 autres chapitres décrits en fait dans le livre que malheureusement on a dû couper parce qu'on n'avait plus assez d'espace. J'avais un chapitre sur la mécanique quantique d'ailleurs c'est mon plus grand regret là, de pas pouvoir avoir mis ce chapitre là parce que c'était un chapitre où c'était la vraie vulgarisation dans le sens où là j'essayais d'expliquer aux gens j'essaie de faire comprendre un peu la mécanique quantique pour des gens qui ont aucune connaissance en sciences. Puis c'est pas évident étant donné que moi-même je suis même pas physicien, donc j'ai écrit ce chapitre-là avec un physicien. Et puis ça a vraiment pas été facile. Puis le but évidemment c'est de leur expliquer que aussitôt qu'on entend le mot quantique, ça devrait tout de suite nous inquiéter parce que on comprend strictement rien pratiquement de la mécanique quantique. Fait que ça, j'ai pas pu le mettre dans le livre, ça c'est dommage, mais c'est pas grave. Après ça, j'avais écrit un chapitre sur l'alcool aussi, sur nos habitudes de consommation d'alcool dans la société, qui sont parfois, qui à mon avis parfois, on a peut-être il y a certains gens qui ont un problème de consommation d'alcool puis qui s'en rendent même pas compte. Fait que ça, j'avais écrit un chapitre là-dessus, ça non plus, on n'a pas eu assez de place. Puis j'avais écrit un autre chapitre aussi. Que je me souviens plus c'est quoi. Ah oui, c'est vrai. J'avais essayé d'écrire un autre chapitre aussi où je faisais une analogie entre le corps humain et une maison. Parce que souvent, j'entends l'analogie. Il y a beaucoup des gens qui me disent ah, tu sais, quand je vais chez mon mécanicien, il trouve toujours le problème dans ma voiture. Puis pourtant, mon médecin, il trouve pas le problème dans mon corps. Puis la voiture, c'est le la pire analogie possible pour le corps humain. Ouais. Fait que moi, j'ai voulu utiliser une analogie de maison parce qu'une maison, je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez dynamique. Puis j'ai jamais réussi à le finir, le chapitre, finalement. J'ai manqué d'inspiration en rendu à peu près aux deux tiers. Donc, je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ça. Je vais peut-être les respiner à un moment donné, on verra. D'accord. Et on arrive doucement à la fin de l'interview. Et sur Easy à Science, on a un classique. C'est je demande à la personne que j'interviewe si tu devais choisir un livre qui n'a rien à voir, est-ce lequel ça serait? Vraiment rien à voir. Rien à voir avec la science. Ou en tout cas rien à voir avec ton livre. Ah, rien à voir avec mon livre. Mais que tu conseillerais. Ben oui, je peux en conseiller un. Je vais donner le titre en anglais par contre, parce que en français, ben en fait, je pense que je le sais en français, mais en anglais ça s'appelle Quiet. The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking. En français, ça doit être les discrets ou quelque chose comme ça. Je sais pas. C'est un livre sur l'introversion. Moi, dans la vie, je suis une personne qui est très, très introvertie. Donc, je vis beaucoup dans mon monde, à moi. Je suis quelqu'un de très solitaire. Et puis, quand j'ai lu ce livre-là, j'ai compris pourquoi les premières 25 années de ma vie s'étaient passées de cette façon-là. Donc, les gens qui se sentent un peu différents, des fois, je pense qu'il y aurait avantage à lire ce livre-là. C'est un livre de Susan Cain. Donc, qui m'a beaucoup marqué. Il y a effectivement une traduction française qui s'appelle La force des discrets, le pouvoir des introvertis dans un monde trop bavard. Voilà, c'est extraordinaire ce livre-là. Puis les personnes introverties, c'est quand même 51% de la population. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de monde que ça intéresserait ce livre-là. C'est aux éditions Jean-Claude Lattès. Super. Et sinon, oui, il y avait la version en anglais dont j'avais déjà entendu parler. C'est chez qui ça? C'est... Je sais pas du qui c'est. Ouais, j'ai pas le livre devant moi, il est dans mon salon, mais c'est facile à trouver. C'est chez Broadway Books. Ah, super. Et si tu avais un livre que t'aimerais lire? Un livre que j'aimerais lire? Mon Dieu, il y en a tellement. En fait, j'en ai un présentement que ça fait plusieurs mois que j'ai dans ma liste, dans ma wishlist Amazon. Et j'accède à ma liste Wishlist Amazon pour vous dire le titre exact à l'instant. Oui, voilà. C'est un livre qui est écrit par... ça va rester par contre dans le thème d'aujourd'hui, là, si tu permets. Ça s'appelle A Scientist in Wonderland, A Memoir of Searching for Truth and Finding Trouble. Et c'est un livre de Edzard Ernst, que les gens du monde du scepticisme connaissent peut-être. Lui, Dr. Ernst, en fait, c'est un professeur de médecine alternative, si on veut, mais qui est extrêmement critique, puis qui a écrit une sorte de mémoire de sa vie, de chercher le trouble. Ça a l'air très, très, très, très bon. Les critiques sont excellentes aussi. Moi, je suis un grand fan de ce monsieur-là. J'ai très hâte de le lire. D'accord. Écoute, merci du partage. Puis merci d'avoir participé à cette interview. En tout cas, c'était un grand plaisir pour échanger avec toi et puis de lire ton livre. Et ben j'espère que ce sera un succès en librairie physique ou virtuelle. J'espère moi aussi. Et puis ben écoute, je te remercie et puis ben je te dis à très bientôt. Parfait, merci beaucoup pour l'entretien, c'était super agréable.